sense that you did me up. We'll be right back. Allez, si on a commencé notre émission avec du grand classique pour Pop and Rock, c'est-à-dire The Reconchers et à l'instant J. Bernhardt, j'ai décidé maintenant de passer sur un autre horizon musical, c'est celui de Stéphane Sonnier, un gars que vous connaissez peut-être si vous êtes les amateurs des lives de Canal+. Et le morceau que je vous présente, enfin les deux morceaux qui arrivent, sont deux morceaux d'un groupe qui s'appelle Juliet and the Licks. Juliet and the Licks, et on commence donc avec un premier morceau qui s'appelle Got Love to Kill. John. love once, twice, maybe more. Never met a hungry fool I couldn't learn to adore. Hopeless smiles and crooked eyes traded in for a heart full of lies. I won't deny it. When all the light starts to yellow and fade, see you in the middle. And all the love we made, I'm your girl, you're my man. It's just an illusion, this I know. C'était un morceau, une sorte de une belle balade des I Know après le morceau beaucoup plus violent qu'on a écouté juste avant qui s'appelle God Love to Kill. Et avant de continuer dans les découvertes grâce à notre ami Saunier, on va reprendre un petit habitué de chez nous, c'est-à-dire Parquet Courts avec le morceau qui s'appelle Total Football. Strikers. dans Pop and Rock. À l'instant donc, c'était nos habitués de Parquet Courts avec le morceau Total Football. Et on continue les découvertes de Saunier avec maintenant un petit groupe que moi je connaissais pas du tout et qu'il m'a fait découvrir, qui s'appelle Elysian Fields. Je sais pas si c'est le nom de la chanteuse ou le nom du groupe, en tout cas, il nous interprète un morceau qui s'appelle Bend Your Mind. Dispossessed. Every time the traffic swings. trap her in the woods, see her hood flashing red through the pines. Briars in her hair, bloody lip, where I'll sip, lapping red just like wine. Granny's got a plan, take my hand, little girl, darling child. Let me keep you warm, wrap you up from the wet and the wild. Mama, big eyes you have. Mama, big hands you have. Mama, hot breath you have. Mama, sharp teeth you have. C'était Elysian Fields avec trois morceaux, une belle trilogie. Le premier morceau c'était Bend Your Mind, le deuxième Dispossessed, et bien à l'instant c'était un morceau qui s'appelle Red Riding Hood. Allez, on va continuer avec un morceau que vous connaissez peut-être, qu'on a écouté une ou deux fois, un morceau de The Slaves. It wasn't her fault. It wasn't her fault. She made sugar taste like salt because she was oh so sweet. Now you're shuffling your feet with your hands in your pockets. You can bite the finger. She's not the one to blame for chemical reactions starting in my brain. All right, don't milk it. S'appelait Sockets et on enchaîne avec un nouveau morceau de The Slave, Right Knuckle Ride. Somebody please get me the fuck off this rodeo. wherever I go, you're just a stone's throw away. I'd rather die on my feet than live on my knees. I'd rather die on my feet than live on my knees. I love you more when you're angry with me, 'cause you're so boring when you're nice. I love you more when you're angry with me, 'cause you're so boring when you're nice. When you're nice. When you're nice. When you're nice. You're so boring when you're nice to me. Slave, quelle énergie! Mais là maintenant, on va un petit peu se reposer puisque là ça fait beaucoup de bruit, on a peut-être mal aux oreilles, donc on va partir sur une nouvelle découverte, la dernière découverte du soir, un groupe qui s'appelle Savages, le morceau s'appelle Adjore. La particularité, c'est un groupe avec que des filles, que des anglaises, sauf la chanteuse, c'est une française. On écoute Savages, Adjore. Yeah. adore life. I adore life. I adore life. I adore life. I Savages, c'est un peu plus calme que The Slave, hein. Vous avez aimé? Eh ben, on va s'en faire un deuxième. Ça sera le dernier pour la soirée de Savages, la dernière découverte de notre émission Pop and Rock de ce soir. Le morceau s'appelle She Will. We'll be right back. Allez, cette émission spéciale découverte grâce à notre ami Stéphane Saunier prend fin. On va se quitter avec un morceau classique de pop and rock. Le morceau s'appelle Crystal et le groupe c'est New Order. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. Shut me to the